tes yeux. Prie ce matin que le Seigneur va te bénir. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour ce temps spécial. Seigneur, nous prions. Est-ce que tu peux prier? Prie ce matin. Demande que le Seigneur te bénisse par sa parole. Prie. Je n'entends pas les voix. Priez ce matin. Oh, tu veux que ce Seigneur fasse quelque chose. La plupart de ses bénédictions sont dans sa parole. Et alors que tu pries ce matin, le Seigneur exauce sa prière, va changer ta vie, va te bénir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est puissante. Qui est puissante pour sauver, pour bénir, pour briser les forteresses. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, je me tiens ici, pas comme un homme, Seigneur. Je suis un homme, Seigneur, par à travers ma voix. Que le peuple entende ta voix. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Aie pitié de chacun ici. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez asseoir? Alléluia. Avant de commencer, je veux nous rappeler de la convention, alléluia, qui se passe dans 2 semaines, bien moins de 2 semaines, alléluia. Et il paraît que beaucoup de personnes ne sont pas impliquées, hein, parce que les gens ne sont pas dans les comités, hein, qui n'est pas dans un comité, toi seul. Pourquoi? Vous ne voulez pas être dans le comité? Tout le monde participe. Hein? Il y a le comité de chorale. Alléluia. Tu peux joindre la chorale et chanter ce vendredi. Le comité de prière. Alléluia. Priez pour la convention. Hein, nous prions pour la convention. Alléluia. Et le comité de transport. Alléluia. Le comité de publicité. Hein, comité de publicité, vous avez une réunion à 13h aujourd'hui. À Kodesh, le comité de hacheurs et puis le comité des conseillers. Alors, quel comité j'ai laissé? C'est tout? Transport, oui, j'ai mentionné transport. Ok, alléluia. Et puis comité de prière, nous avons prière aujourd'hui à 15h, alléluia, à Kodesh. Alléluia. Donc prenez note. Le comité de chorale, vous avez à répétition aujourd'hui. À quelle heure? 14h, alléluia. Comité de chorale. Et puis, quel comité aussi? Hacheur, vous avez réunion à quelle heure? 16h, ok? Réunion à 16h. Alléluia. Donc, pour cette saison, hein, c'est la plus importante activité que nous sommes en train de faire. Alléluia. Hein, la plus importante, bien les plus importantes activités pour le moment sont ces réunions de comité. Alléluia. Si tu as une autre réunion qui n'est pas cette réunion, donc cela veut dire que tu dois annuler ta réunion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah, et ceux qui ne sont pas, s'il vous plaît, il faut juste obéir. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne peux pas obéir à cette sainte instruction, Dieu ne va pas te donner une vision. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que tu dois être fidèle avec de petites choses. Sinon, le Seigneur ne va pas te donner une grande chose. Alléluia. Donc, ceux qui méprisent ces comités, on dit, ah, mais ça, c'est quoi, là? Tu vois, le Seigneur ne va pas te parler. Hein? Il va te donner une grande chose. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ah, c'est important ce que je dis. Donc, si on donne une instruction, il faut juste suivre. Hein? Et ceux qui ne suivent pas les instructions, tu vas voir que ta vie est la même. Ta vie ne change pas. Parce que de simples instructions, tu n'arrives pas à suivre. Dieu ne va pas te donner une grande instruction. Hein? Grande instruction de te marier. Dieu ne va pas te donner. Il ne va même pas te montrer la personne. Ah, tu vas prier, hein? Le Seigneur ne va même pas répondre. Parce que simple instruction, viens, fais partie de comité, on va prier. Viens, on va chanter ensemble. Tu n'arrives pas. Et donc, est-ce qu'il va te donner une instruction pour ta vie, ton futur? Non. Je ne sais pas. Yeah! Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle avec de petites choses sera fidèle avec de grandes choses. Parce que tu n'es pas fidèle avec comité de publicité. pour 3 semaines. Juste petit tôt, 3 semaines. Est-ce qu'il va te donner une instruction pour le reste de ta vie? Non. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Wow. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on donne une instruction, c'est une bénédiction. C'est un privilège. Onapo. Vous connaissez Onapo? Onapo. Tu ne vas même pas à la voix. Hein? C'est un privilège. Hein? Privilège. Privilège d'être dans la chorale et puis chanter le vendredi là. De prier pour la convention. D'organiser le transport pour la convention. D'être avec le comité de conseil. Bien publicité. C'est un privilège, oh. C'est une grande bénédiction. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Hein? Vous voulez avoir une vision, vous voulez avoir. Oh. Tu ne sais pas. Je te dis. Je te dis. Je te dis. Ceux qui méprisent des petites choses là, je te dis ce matin. Le Seigneur ne va pas te donner une grande chose. Yeah. Pour ton futur. Si tu ne peux pas faire pour 3 semaines, 1 mois, une petite instruction pour 1 mois, c'est difficile pour le Seigneur de te donner parce que tu n'es pas fidèle à une petite chose. Yeah. C'est la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Wow. Donc, s'il vous plaît, commencez aujourd'hui. Hein, prier. Si tu veux prier, juste prier pour la convention. Donc, pour toi, c'est prier. Ou bien chorale. Pour toi, tu vas répéter et puis le jour, tu vas chanter. Ou bien transport. Stéphane, là, vous allez organiser les transports. Ou bien HR, vous allez essayer de avoir des stratégies pour faire l'HR le jour-là. Hein? Bien conseil. Ceux qui seront nés de nouveau, ceux qui vont donner leur vie le jour-là, vous allez les conseiller, vous allez les donner les livres, prendre leur numéro de téléphone pour les aider à s'établir dans l'église, bien s'établir comme chrétien. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. C'est juste une petite chose. Alléluia. Donc, je pense que j'ai trop parlé. Alléluia. Wow, le temps est parti. Comme notre verset de la semaine, Luc chapitre, c'est Luc, chapitre 15, verset 12. C'est ça? Luc 12, verset 15. Ok, Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. On va mémoriser ensemble. Alléluia. On a commencé à avoir des témoignages concernant ces versets. Il y a témoignages, des miracles, des choses. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alléluia. C'est ça? Ah, ça, c'est trop simple. Donc, on va lire ensemble, s'il vous plaît. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ok? Une fois encore, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Wow. Est-ce que tu as une fois vu ce verset? OK. Luc chapitre 12, verset 15. 1, 2. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. Une fois encore, Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas. Luc chapitre 12, verset 15. Ok? Une fois encore. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous de soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas. Eh bien, fut-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. Les filles, Luc chapitre 12, verset 15, 1, 2. Est-ce que vous avez lu bien, vous avez... Alléluia. Ah, mais il n'y a pas de fille ici. Ah, ok. Oh, sorry. Une fois encore les filles, avec à haute voix, Luc chapitre... Car la vie d'un homme. Luc. Ok, les hommes. Luc chapitre 12, verset 15, 1, 2. Gardez-vous. Sainte-là. Non. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. Luc chapitre 12, verset 15. Acclamons pour les hommes. Alléluia. Wow, powerful. Est-ce que c'est bon? Vous êtes bénis. Yeah. Et ce qui manque les jeudis, on essaie de répéter tous les versets qu'on a appris les jeudis. Yeah. Et c'est une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Yeah. Donc ce matin, on va continuer. Pourquoi nous devons renouveler l'intelligence? J'ai donné trois raisons la semaine passée. Est-ce que vous vous rappelez de ces raisons? OK. OK, la première raison, c'est quelle raison? Renouveler l'intelligence avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fait quoi? La parole de Dieu est quoi? Fait quoi? La parole de Dieu te guide. Alléluia. C'est ça? Dans la direction. OK. Deuxième raison. La lumière. La parole de Dieu est lumière. Yeah. Dans les ténèbres. Alléluia. Ça, c'est quel verset? Jean. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Il y a beaucoup de ténèbres. Beaucoup de ténèbres. Beaucoup de ténèbres concernant les relations. Yeah. Ce que tu connais, c'est les ténèbres. Il faut venir à la parole de Dieu pour voir où est la lumière pour les relations. Vous comprenez ce que je dis? Yeah. Beaucoup de ténèbres concernant l'argent. Yeah. Et tu te blesses, tu te fais du mal chaque jour. Parce que lorsque tu es dans les ténèbres, et puis tu marres. Tu vois, non? Tu te cognes. Alléluia. Yeah. Tu te cognes. Beaucoup de personnes se blessent. Hein? Ont des blessures chaque fois dans les relations, dans les finances, dans quoi aussi? Dans quoi aussi? Dans les quoi? L'école, quoi encore? Oh. Vos vies là, dans les mariages, dans les foyers, dans les business, dans quoi encore? C'est tout? OK. Parce que Jean chapitre 8, verset 10, quoi? Verset 32 dit quoi? Vous connaîtrez la parole. La vérité vous affranchira. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous allez renouveler votre intelligence? Dites que, ah, je vais aller chercher. Qu'est-ce que la Bible dit concernant cette situation-là? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous devez apprendre à dire, lorsque tu viens à l'église, laisse toutes tes idées. Dis que, Seigneur, je suis prêt pour apprendre, pour recevoir la lumière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, si tu ne fais pas ça, tu vas venir et tu vas critiquer même la parole de Dieu. Tu vas dire que la parole de Dieu, c'est pas vrai. Parce que tu as une mentalité. Tu as quelque chose qui est déjà là. Tu connais déjà quelque chose qui n'est pas vrai. Je sais pas si je me fais comprendre. Ah! La vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? On oublie la Bible. On oublie la parole de Dieu lorsque nous voulons prendre une décision. On oublie. Et tu vas voir que tu vas te blesser parce que c'est pas la vérité. Alléluia. C'est facile, vous comprenez ce que je dis. Et puis, troisième chose, la parole de Dieu, quoi? Te rend sage. En psaume 119, verset 98, 99, 100. Ça part de la sagesse qui vient avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on va voir deux ou bien trois. OK? La parole de Dieu. Hein? OK. Avec la parole de Dieu, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire dans cette situation. Quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Wow. Beaucoup de nous, parfois, on arrive à un moment où c'est comme on ne sait pas quoi faire. On est bloqué. On est bloqué. Et je pense que c'est la raison pour laquelle chaque fois les gens viennent, après le culte, les gens veulent voir le pasteur. Parce qu'on est bloqué. Qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? La parole de Dieu va te montrer. Il y a un jour, un pasteur a dit, parce que chaque fois, il y a les couples qui viennent le voir, qui viennent voir le pasteur. Et puis un jour, il a fait une annonce. Il dit, à partir d'aujourd'hui, que personne ne vienne me voir. C'est pas tout. Que personne ne vienne me voir. Mais, si tu veux la réponse à ta situation, viens à l'église chaque dimanche pour 6 mois. Ton problème sera résolu. Vous comprenez ce que je dis? Et je pense que c'est une bonne chose. Si tu veux la réponse à cette situation, tu veux savoir quoi faire, juste venir à l'église chaque jour, chaque semaine, pour 6 mois. La parole va pas te dire ce que tu dois faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Certains d'entre vous avez reçu la réponse à vos questions là, juste par la prédication. Il y a certaines situations, tu ne dois pas prier. Tu as besoin d'une parole. C'est pas le démon. Tu as besoin de la vérité et la vérité va t'affranchir. C'est tout. Tu vas jeûner, prier, avec quoi, onction, la situation sera toujours la même. Parce que tu n'as pas la parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce matin. Michée, chapitre 6. Michée. C'est Michée ou bien Michée? Michée. Michée, chapitre 6, verset 8. OK. Michée, c'est où? Michée chapitre 6, verset 8. Vous êtes là? C'est dans la Bible, l'Ancien Testament. Je pense le livre avant quel livre? Avant Jonas, OK? Et Jonas est où? Jonas, parce que Jonas, on ne sait pas là où se trouve Jonas. Après Joël. Joël, c'est... Okay. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas les livres de la Bible. OK? Michée. Chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a montré, ô homme, ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Sois humble. Marche dans la miséricorde. Sois miséricordieux. Alléluia. Aime la miséricorde, pratique la justice et marche humblement avec ton Dieu. La parole te dit ce que tu dois faire. Avec la parole, tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Ce que tu dois faire dans cette situation avec la parole. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Dieu nous montre chaque fois. Donc, tu as besoin de venir à l'église chaque jour, chaque dimanche. Tu dois être ici. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas bien nourris. Vous avez quoi sur le corps? C'est pas toi, c'est pas toi. S'il te plaît, le pasteur m'a insulté aujourd'hui. C'est pas toi. Je parle à la personne là, qui ne mange pas chaque dimanche. Forgive. What a shock. Quel choc. Yeah. N'est pas bien nourri parce que les enfants qui ne se nourrissent, les enfants de, ça va dire Éthiopie ou bien Somalia, tu vois qu'il n'y a pas de nourriture. Et le corps se développe d'une manière, bien ne se développe pas. Ah, ton esprit n'est pas bien nourri. Ah, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes fâchés contre moi? Vous ne répondez pas. Pasteur, alléluia. Yeah. Donc, chaque situation a une parole ici. Ou bien, yeah, parce que vous êtes, parfois vous êtes surpris lorsqu'on nous dit que lisons cette verset, ce verset, vous dites, ce verset-là. C'est comme un verset qui concerne ta situation. Yeah. Alléluia. Yeah. Donc, si tu veux savoir quoi faire, va dans la parole de Dieu. Entre dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Beaucoup d'entre vous, il y a des rêves. Vous avez des rêves. Vous avez des prophéties. Vous avez quoi? La personne a dit ça. Quelqu'un a dit ça. Allons à la parole de Dieu. Tout simple. Qu'est-ce que la parole dit? Ah, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime lire les livres. Parce que parfois tu lis la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Mais Dieu a donné la révélation à quelqu'un. Yeah. Yeah. J'ai toujours un livre qui est là, qui m'explique certains versets. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu n'as pas un livre que tu es en train de lire, tu es en train de te faire du mal. Ah, tu es en train de faire du mal parce que la parole de Dieu, c'est pas aussi facile de comprendre chaque verset. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Yeah. Donc, tu as besoin d'un livre chrétien. Chaque jour, un livre chrétien. Un livre chrétien. Alléluia. Et il faut toujours trouver un livre qui est aussi simple. Ah, c'est pourquoi les livres de l'évêque sont très, très, les gens qui sont pas les membres de l'église. Parfois, l'évêque est fâché contre nous. Parfois, il est offensé contre les membres de Lighthouse. Facile. Il dit que, ah, j'ai écrit les livres pour mes enfants. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas de Lighthouse qui prennent les livres et mangent les livres. Je ne sais pas si vous comprenez, mangent. Ils prennent les livres comme ça. Parce que c'est simple. Beaucoup de livres chrétiens, tu vas lire et tu es même confus. C'est pas clair, c'est pas pratique. Je sais pas si vous avez essayé de lire certains livres. Beaucoup de livres chrétiens sont. C'est comme un roman. Donc, tu vas lire et puis, tu ne sais pas ce que la personne est en train de dire. Mais les livres de l'évêque sont très simples, pratiques. Parfois des points. 1, 2, 3. Fais 1, 2, 3. Fais 1, 2, 3. Il te donne deux raisons. Quelle raison? 20 raisons. Hein? Deux étapes pour avoir ça, comme l'onction. Les livres que l'évêque a écrits sur l'onction. Il a démystifié l'onction. Parce que parfois l'onction, on dit l'onction, c'est comme quelque chose qu'il y a. Mais il a dit deux étapes, cinq étapes pour avoir l'onction. Hein? Deux raisons importantes pour avoir l'onction. Et puis, ça devient très simple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La façon dont vous me regardez là. C'est le français n'est pas clair. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Jésus aussi l'a prêché, les gens n'ont pas compris. Même les disciples. Même les disciples. Chaque fois, les disciples vont aller, Seigneur, ce que tu as dit là, on n'a pas compris. Oh. Et puis, il essaie d'expliquer ce qu'il a dit. Alléluia. Yeah. Donc, deuxième chose pour aujourd'hui. Yeah. Avec la parole de Dieu, tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Yeah, tu vas comprendre les événements qui se passent dans ta vie avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Yeah. Tu vas comprendre les événements qui se passent dans ta vie. Alléluia. Je rencontre beaucoup de personnes qui beaucoup de choses se passent dans leur vie mais ils ne comprennent rien. Et puis, lorsque tu commences, tu amènes la parole de Dieu. Tu vois que, ah, pasteur, merci. Maintenant, je comprends. Yeah. C'est bon, bien, c'est bon. Yeah. Tu reçois une parole. Ah, pasteur, merci. cette parole. Alléluia. Amen. Yeah. Je me rappelle, j'ai parlé beaucoup à beaucoup d'entre vous ici, j'ai parlé à beaucoup de personnes ici, concernant votre relation avec vos parents. Yeah. Ça, c'est la base de ton futur, d'un bon futur. Yeah. Yeah. À part tout ce que tu dois faire, c'est la première des choses. Yeah. Si tu n'as pas une bonne relation avec les parents, mon frère, c'est l'échec total. Échec total. Parce que tu vois, lorsqu'on grandit, on a l'âge de 13, 15, 17, 18, 19, 20, on découvre certaines choses. Yeah. Et puis le corps commence à développer. Les choses commencent à sortir de la poitrine. Yeah. Et puis, il y a des cheveux qui commencent à apparaître dans certains endroits. C'est comme on connaît tout. Yeah. C'est comme on est plus comme les parents. Parce que le père n'est pas allé à l'université. Toi, tu es allé à l'université. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Et à cet âge-là, sauf que tu ne fais pas attention, tu vas rébeller contre les parents. Yeah. Tu vas même gifler ton père un jour. Les gens font ça. Yeah. Certains d'entre vous, ta maman ne peut pas t'appeler. Fille de 18 ans, 20 ans. Parce que maintenant, tu as développé ce que maman aussi a. Yeah. Et puis, tu as un garçon qui te dit tu es belle. Donc, c'est fini. C'est fini. Tu n'as jamais entendu papa dire à maman, je t'aime. Mais toi, tu as entendu un garçon qui te dit je t'aime. Donc, c'est comme tu es plus que maman. Yeah. Va lire Éphésiens chapitre 6, verset 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beaucoup d'entre vous, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Yeah. Et surtout les filles, vous voyez les filles, ton corps physique développe plus rapide que ton intelligence. Et parfois, tu te trouves dans un endroit où tu ne comprends pas. Et lorsque tu ne reviens pas à Dieu, tu vas te détruire. Yeah. Ton corps développe plus que ton intelligence. Très rapide. 10 ans, 15 ans, les trucs là commencent à sortir déjà. Alors que l'intelligence n'est pas à 15 ans, n'est pas à 16 ans. L'intelligence à 8 ans. Donc tu vas dire, oh tu es belle, et puis tu t'offres. Parce que la personne dit, tu es belle. J'apprécie. Yeah. J'apprécie. Yeah. Et puis c'est fini. Revenez à la parole de Dieu. C'est pas ce que vous regardez à la télé. C'est pas ce que les stars là vous montrent. Hein? Vous voulez vous habiller comme les stars du monde. Vous faites les maquillages comme les stars. Vous faites les cheveux comme les stars. Les habits comme les stars. Destruction totale. On est en train de crier, mais c'est sérieux, je vous dis la vérité. Développe ton intelligence par la parole de Dieu. Parce que ton corps est trop rapide. Ton corps est trop rapide. Donc tu dois revenir à la parole de Dieu, développer ton intelligence. Pour que ton intelligence corresponde au développement de ton corps. Sinon tu vas te détruire. Aussi les garçons, c'est la même chose. Ah, garçons. Ah, les garçons. Ah. Vous comprenez ce que je dis? La parole de Dieu te t'amène à comprendre ce qui se passe autour de toi. Ah. Alléluia. Vous êtes là? Dans la première des choses, Éphésiens 6, chapitre 1, verset 1, 2, 3. Chaque fois, je donne aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Hein? Comment? Papa, non. Il n'y a pas de problème. Toi, fais ce que tu dois faire, ce que Dieu te demande. Même si papa ne fait pas ce qu'il a pas, il doit faire. Ça, c'est entre lui et Dieu. C'est pas entre toi et papa. Parfois, on ne comprend pas ce qui s'est passé entre papa et maman. Quand maman t'a parlé, tu as juste une petite partie de ce qui s'est passé. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Et puis 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, 16, 17, 18. Oh, Jésus, le gars là, il est musulman. Ok, je l'aime, je vais le marier. Oh, le gars là, il ne va pas à l'église, mais il est bon. Il est là, il n'est pas né de nouveau, il est bon. Tu es dans les ténèbres. Va lire 2 Corinthiens 6. Hein? C'est 2 Corinthiens 6, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, va lire. Ou bien 1 Corinthiens 6, 15. Ah, si c'est là, ton corps est précieux. Ton corps a été racheté par le sang de Jésus. Ne donne pas à un garçon, n'importe comment, Amin. Comme jouer avec ton corps. Tu reviens, tu es vide. C'est comme tu es inutile. Parce que tout le monde a utilisé ton corps. Vous ne savez pas, vous êtes trop précieux. Hein, les garçons comme les filles. Vous êtes trop précieux. Alléluia. Vous êtes là. Yeah. Ah. Ah. Oh. J'ai beaucoup à dire, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Les anglophones vont commencer à venir. Yeah. Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Vous connaissez ce verset. Qui va me lire ce verset? Jérémie 3, verset 15. Qui me lit ça? 3, 15. C'est quoi? Alléluia. Vous êtes là. Je suis ici. Les bergers sont ici pour toi. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a donné un berger selon son cœur. Pour toi. Beaucoup d'entre vous ne voulez pas. C'est pourquoi je dis, parfois on donne les instructions, les gens ne veulent pas obéir aux instructions. Si tu es ici, tu es ici, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tu es ici ce matin. Parce que Dieu a décidé que tu sois ici. Dieu a décidé que nous soyons tes bergers. Pour te paître. Donc ceux qui refusent, tu veux aller, je ne sais pas là où tu veux aller, recevoir l'instruction. Hein? Tu veux voir les enfants à la maison, les enfants qui obéissent aux instructions des parents et ceux qui ne obéissent pas. Il y a une grande différence. Hein? Il y a une grande différence. Alléluia. Donc lorsqu'on vous donne les instructions et on vous explique, il faut suivre. Hein? Comme je dis avant, cette instruction, fais ça. Assieds-toi, lève-toi, chante, apprends le chant. Je ne vais pas chanter, je ne suis pas venu ici pour chanter. Je ne suis pas dans la chorale. Je ne suis pas dans la chorale. Donc pourquoi les passer à tête de me dire de chanter? Tu vas voir ta vie. Et si tu continues comme ça, tu vas voir. Simple instruction. Tu ne sais pas les bénédictions. Les bénédictions qui sont grandes. On ne voit pas, c'est pas l'argent. Ok, le pasteur. Oh, je distribue l'argent pour chanter. Donc, viens prendre 50 Ghana pour chanter. Non, ça, c'est rien. C'est rien. Tu peux sortir 50 Ghana, puis il va finir tout de suite. Ou bien, les bénédictions sont spirituelles. On ne voit pas. Elles sont dans cette petite instruction. Fais ça. Chante. Va ici. Fais ça. Assieds-toi. Lève-toi. Lève les mains. Parfois, les gens ne veulent même pas lever les mains. On dit, lève les mains et adore le Seigneur. Les gens comme ça. Hey, mains aussi, on doit payer pour lever la main. Hey, ça m'étonne parfois. C'est comme on a fait ça pour le pasteur. Moi, oh, j'ai pas besoin de lever les mains. C'est pour Dieu. Et dans ça, ça montre une certaine humilité. Ah. certaine humilité. Et la Bible dit que Dieu résiste l'orgueil. Yeah. C'est Dieu, c'est pas Satan qui résiste. Il y a des choses qui ne se passent, qui ne marchent pas bien. C'est Dieu qui est en train de faire ça, c'est pas Satan. C'est pas les démons. À cause de ton orgueil. Yeah. C'est ce que la Bible dit. Jacques, va aller, Jacques. Dieu résiste l'orgueil. Donc tu vas voir qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. C'est pas un démon. C'est pas ta grand-mère au village. C'est pas les sorciers de ton village. C'est Dieu lui-même. Oh! On dit lève les mains et adore le Seigneur. Les gens ne veulent même pas s'agenouiller pour louer. Tu ne sais pas quelle bénédiction. Quelle bénédiction? Les bénédictions qui sont dans ces petites choses-là. Lèvez-vous. Lèvez-vous, lèvez-vous. On continue la semaine prochaine. Continue. Ah. J'ai dit, oh, va dans la chorale, tu ne veux pas. Apprends un instrument, tu ne veux pas. Va ici. Hey, vous ne savez pas. Votre bénédiction est liée directement, je te dis ce matin, directement à ces petites instructions. Yeah, votre bénédiction est liée. Yeah. Les gens décident, je ne veux pas venir à l'église. J'ai dit, viens à l'église. Il y a quelqu'un, j'ai dit, si tu ne veux bien pas à l'église, dis moi, ne viens plus. J'ai dit, oh pasteur, tu es trop terrible. Pourquoi tu dis ça? Alléluia. Mais il faut savoir que les instructions qu'on vous donne, vos bénédictions, vos miracles, ce que tu cherches dans cette vie, ton futur, ces choses sont reliées à ces petites instructions. Yeah! Sont reliées. Même aux relations, j'ai dit, ne commence pas cette relation. Yeah! Yeah! Sont beaucoup venus me dire, pasteur, merci que tu m'as dit de ne pas commencer cette relation. Je te remercie pour ça. Parce que maintenant, je comprends mieux plus avant. Yeah. Oh, non, non. Pasteur, là, là. Est-ce que je vais me marier à cette personne-là? Non. Kai. Par la grâce de Dieu. Je suis béni. Yeah. Alléluia. Lève les mains. Dis merci ce matin. Remercie le Seigneur. Que tu vas aimer sa parole. Sa parole sera une lumière dans ta vie. Une lumière. Tu vas te poser la question, quel est le verset? Dieu, qu'est-ce que tu dis concernant ça? Et tu vas dire, je vais obéir aux instructions. Ta parole, au nom de Jésus-Christ, ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Petites instructions, Seigneur. Nous voulons obéir. Nous voulons les faire. Père, nous voulons lire, nous voulons méditer, nous voulons écouter la parole. Nous ne voulons pas manquer dimanche, rater le culte de dimanche, le culte de jeudi, le culte de Kodesh, les cultes, oh, les conventions, les temps de prière. Ce qu'on nous demande de faire, ce que le berger nous demande de faire, Seigneur, nous allons les faire. Parce que tu nous as donné les bergers selon ton cœur qui vont nous paître avec intelligence, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Ce matin, tu veux prier, dis, Seigneur, je décide d'aimer ta parole. Je décide d'aimer ta parole, de lire ta parole, de méditer ta parole, de mémoriser ta parole. Que ta parole soit le guide, ce qui me guide. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide dans nos décisions ce matin. Ce que nous avons décidé de faire pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dit Amen. Reçois ma reconnaissance. Jésus. Oh, reconnaissance. Pour la croix. Reçois ma reconnaissance. Jésus. Ma venue, ton esprit, ton salut, ton esprit, reçois ma reconnaissance. promesse. Seigneur, merci pour ta parole qui amène lumière, qui amène lumière, qui illumine nos sentiers, qui illumine nos pas. Oh, essence, Jésus, pour ta venue, pour ta venue, ton esprit. Ce matin, la Bible dit que le Seigneur Jésus a dit, ceux qui me suivent, ceux qui vont me suivre, ne marcheront jamais dans les ténèbres, parce que je suis lumière. Jésus est la lumière, est la parole de Dieu. C'est lui la lumière, et ceux qui le suivent ne seront jamais dans les ténèbres. Ce matin, je veux prier pour toi. Tu as écouté la parole, tu as décidé que tu veux suivre le Seigneur. Tu as réalisé que tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus, tu as besoin du salut, être né de nouveau ce matin. Et tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Et je veux te donner cette opportunité de donner ta vie à Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Tu veux dire, Seigneur, je veux te suivre à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux lever la main? On va prier avant de partir. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Tout le monde, les yeux fermés. Tu veux donner ta vie à Dieu ce matin? Merci mon frère, merci je vois. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu as pris ta vie toi-même. Et tu vis de ta manière. Mais ce matin, tu veux dire, Seigneur, non. Je veux vivre selon ta parole. Je veux te suivre. Et je veux marcher dans la lumière. Lève la main. On va prier avant de partir. Avant de partir, lève la main. Lève la main. Oui, je vois la main de mon frère. Oh, si tu veux lever la main, lève la main. Lève la main. Lève la main. Mon frère, si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? Ici. Viens ici, on va prier. C'est lui seul. C'est lui seul. Il n'y a pas d'autre personne. C'est lui seul. Alléluia. Fermez les yeux. Frère, répète après moi et tout le monde peut répéter. Dis, Seigneur, je te remercie. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Jésus. Qui est la lumière. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je veux marcher dans la lumière. Et ce matin, je reconnais que Jésus est la lumière. C'est lui mon salut. C'est lui mon Seigneur. Et ce matin, je l'invite dans ma vie. Seigneur, merci. Je le confesse qu'il est le Sauveur. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je veux te servir à partir d'aujourd'hui. Seigneur, aide-moi. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette capacité divine pour te suivre et pour te servir au nom de Jésus. Satan, je ne vais plus te suivre. J'ai décidé de suivre Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.